Chapitre 16. Lionel sut son idée. Le surlendemain était le jeudi que Madame Prat avait fixé pour la visite au château de Luvercy. Depuis plusieurs jours déjà, le régisseur avait été prévenu de l'événement. Le matin, Lionel informa sa mère qu'il prenait les devants pour veiller personnellement à ce que tout fût à souhait. Depuis le temps, disait-il, que le château est inhabité, il y a certainement 1000 petites choses à disposer pour que Gilberte n'éprouve pas de déception en y entrant. Et ce n'est pas le père Heurtebois qui peut y pourvoir. Il partit donc de très bonne heure dans une rapide petite auto qui lui était propre. Mais ce qu'il n'avait dit à personne, même à Madame de Prase, c'est qu'Aubry l'attendait devant la porte du 47 de la rue de Tournon. Il le prit au passage et fila sur Chevreuse par un temps superbe auprès de son acolyte, tout glorieux d'un tel honneur. La prompte réussite d'Aubry, le bonheur avec lequel il avait découvert le mystérieux protecteur de Freddy, avait impressionné Lionel. Et il s'était dit qu'une petite inspection du château, pratiquée avec un collaborateur aussi astucieux, aboutirait peut-être à certaines conclusions intéressantes. À tout prendre, jusqu'ici, la mort de Madame Guy Laval avait passé pour naturelle, encore que tragique. Nul n'avait soupçonné quelqu'un d'y avoir contribué. Les lieux n'avaient jamais été examinés sous cet angle. Or, il arrivait ceci, qu'un homme, appelé Jean Mareuil et surnommé Freddy, donnait des signes d'inquiétude tels qu'on était en droit de le soupçonner d'avoir trempé dans le meurtre de Madame Guy Laval. Signe d'inquiétude renforcé par ses dons de charmeur de serpent. Meurtre qu'il aurait commis en état second, alors qu'il était non pas Jean Mareuil, mais Freddy la Couleuvre. Meurtre difficile à établir, sans doute, faute de preuves et faute même d'explications rationnelles, mais meurtre qui eût débarrassé cette aventure dramatique de tout ce qui la rendait bizarre. Car, disait Lionel à son compagnon de route, que la vipère se soit échappée, c'est parfaitement admissible. Ce qui l'est moins, c'est qu'elle ait pénétré dans la chambre de ma tante par cette petite ouverture difficilement accessible. Qu'aurait-il dit s'il avait su, comme l'avait déduit Jean Mareuil du récit des époux Lefèvre, que la vipère était ressortie par la même petite ouverture, puisqu'elle avait été tuée et enterrée avant minuit, et que les portes de la chambre close n'avaient été ouvertes qu'au jour levé. « Que cela est curieux, observa Lionel. Tant que l'idée d'un crime ne m'est pas venue à l'esprit, j'ai accepté sans hésitation ces bizarreries. Et maintenant que je soupçonne quelqu'un, elle me crève les yeux. Oh, monsieur le comte, il ne faut pas non plus vous exagérer l'importance de ce que vous appelez des bizarreries. On en voit tous les jours de pareilles, et j'ai entendu parler, précisément, de morts bien étranges et pourtant bien simples, bien honnêtes si on peut dire. Le hasard est souvent d'une ingéniosité extraordinaire. C'est exact, Aubry, mais songez aux coïncidences qui se dessinent du côté de Freddy. C'est vague, monsieur le comte, bien vague. Pas tant que cela, il y a un brouillard, ou, si vous aimez mieux, il y a un vide entre les bizarreries du décès et les indices concernant Freddy. Mais je trouve, moi, que de part et d'autre, cela ressemble aux deux bouts d'une chaîne dont le milieu serait noyé dans le brouillard ou disparaîtrait dans le vide. Cela fait deux portions de chaîne tendues l'une vers l'autre. Il suffirait qu'un ou deux chaînons de plus émergent ou apparaissent pour que la continuité de la chaîne soit incontestable. Aubry allongea sa lippe en signe de doute. « Monsieur le comte, je vous l'ai déjà dit, je ne me rappelle pas avoir vu Monsieur Jean Mareuil à Luvercy. »« Mais que diable ! Aubry, vous ne l'auriez pu voir que la nuit sous son visage d'escarpe. » « J'en conviens, monsieur le comte, mais, quoique j'ai le sommeil léger, je n'ai rien entendu, moi non plus, la nuit de l'accident. »« Bah, cela ne prouve rien. Primo, vous couchiez au deuxième étage. Secondo, il y a des gens qui possèdent le don de marcher aussi doucement que rampent les reptiles. Et vous savez que Freddy est de cela. » Lionel ne croyait pas raisonner si juste. Puisque cette nuit-là, la servante Marie avait pu rentrer dans sa chambre du second étage sans que personne ne l'entendît, a fortiori, un homme aurait pu rôder à l'extérieur du château sans donner l'éveil aux dormeurs de ce second étage. Du reste, compléta Lionel, ce qui me déroute le plus, ce n'est pas que vous n'ayez rien entendu, vous, endormi au second étage, ce n'est pas que je n'ai rien entendu, moi, endormi au premier étage, c'est que ma cousine Gilberte n'ait rien entendu, elle qui ne dormait pas, au rez-de-chaussée, couchée près de ma mère, dans le cabinet de toilette voisin de la chambre de ma tante. D'autant que je connais fort bien la nature de ma mère. Le plus petit bruit suspect l'aurait tiré du sommeil. Il est certain que votre Freddy marche comme un chat, reconnut Aubry. Tout de même, vous savez, monsieur le comte, j'ai plus de confiance dans mes manœuvres que dans vos suppositions. La nuit dernière, nous avons causé, au bar, Freddy et moi. Le Fourcade n'y a vu que du feu. Java laisse aller les choses comme elles vont. On a parlé d'opération. Freddy aime ça, c'est clair. Cambriolé, ça le tente, et je parierai qu'il a déjà goûté au boulot. Je l'aurai en douce, monsieur le comte, je l'aurai. Eh bien, nous verrons qui de nous deux l'aura le premier. Nous verrons si vous l'amènerez à Cambriolé avant que je le convainque du meurtre de ma tante. Ah, Aubry, si on savait, si j'avais su, comme je serais allé fumer une cigarette dans le parc de Luvercy pendant la belle nuit d'été d'il y a 5 ans, au lieu de dormir là-haut comme un imbécile. Aubry lui lança un regard cauteleux. Eh, monsieur le comte, fit-il, laissant percer sa malice paysanne, avec toutes ces histoires nouvelles, avec toutes vos inventions du diable, dédoublements, alternements, etc., est-ce que vous êtes si sûr que ça d'avoir dormi dans votre lit? Moi, à présent, je ne réponds plus de rien ni de personne. Sa rusticité reprenait le dessus à la faveur de l'aisance. Presque familier, il perdait son style d'emprunt. L'accent de son village lui revenait. Il acheva, rural, « Personne, morgueux, ni de moi, ni des autres. » Mais comme c'était la seconde fois que Lionel se voyait l'objet d'une allusion bénévole à la conscience alternée, le préfet de police l'ayant déjà choqué par une hypothèse du même genre, le comte de Praz s'avoua qu'il la trouvait mauvaise, et cette insistance du destin le rendit maussade. La grille du château était largement ouverte. Heurtebois, le régisseur, accourut. Du moins, il faisait les mouvements de celui qui accourt, car l'épaisseur de son corps rhumatisant ne lui permettait pas de dépasser la vitesse d'un homme au pas. Ancien adjudant retraité et médaillé, Heurtebois se recommandait à l'attention de ses semblables par une assez belle tête de grognard qui surprenait. Il adevait uniquement aux pattes de lapin qu'il avait laissé pousser sur ses joues après avoir quitté le service et qui donnait à sa moustache grise l'air d'avoir tenu en suspension les glaçons de la retraite de Russie. Ce personnage, qui semblait un survivant immuable de la Grande Armée, était tout désigné par son physique pour garder un château abandonné. L'un et l'autre, apparemment, échappaient au siècle. Madame de Praz avait engagé Heurtebois après la mort de Madame Laval lorsque Gilberte avait manifesté l'intention bien arrêtée de ne plus revenir à Luvercy. C'était un homme de confiance. Heurtebois reçut les arrivants avec 1000 politesses. Lionel et Aubry, sans prolonger l'échange des propos obligés, s'en furent au château, dont toutes les fenêtres étaient ouvertes au beau soleil de juin. Exquise vieille demeure très noble du temps de Louis XIV. Deux corps de bâtiments poussés en avant, à droite et à gauche d'une cour d'honneur. Au fond, corps principal. Rez-de-chaussée et premier étage, puis les grands toits mansardés, plantés de hautes cheminées au deuxième étage. Les murailles disparaissaient sous un rideau de lierre et de vignes vierges. Les deux chercheurs n'entrèrent pas tout de suite. ils longèrent extérieurement l'aile droite qu'une pelouse séparée de l'orangerie, longue et basse construction, percée d'une quinzaine de croisées arrondies, vitrées de petits carreaux. Parvenus à l'angle du château, d'où l'on découvrait les vallonnements d'un parc à demi entretenu, ils s'arrêtèrent. Là était la chambre de Madame Laval. Elle formait le coin. L'une de ses fenêtres, celle de l'ouest, donnait sur l'orangerie, l'autre sur le parc, en façade, au sud. C'était la première de ces fenêtres qui, la nuit fatale, était restée entr'ouverte derrière les volets clos, les volets de fer-plein, percés chacun d'un cœur. À cet endroit, le sol n'ayant cessé de s'incliner légèrement au long du mur, celui-ci se trouvait surélevé par un soubassement de maçonnerie, plus large en bas qu'en haut, si bien que le rez-de-chaussée était à quelque 2 mètres de la terre et les 2 fenêtres hors de la portée d'un homme debout. Les esplanades étaient dallées. Dallées, par conséquent, l'espace d'environ 25 mètres entre l'extrémité du château où avait couché Madame Laval et l'extrémité de l'orangerie où la vipère noire et blanche avait été recluse. Après tout, murmura Lionel, la version qu'on a toujours acceptée est vraisemblable. Vu de près, cela devient possible. La vipère s'échappe. Aussitôt sortie de l'orangerie, elle aperçoit le cœur lumineux, s'en approche, grimpe à travers le lierre. Seulement, je ne m'explique pas comment Gilberte n'a pas été alertée par le froissement des feuilles. « Oh, monsieur le comte !» remarqua Aubry avec assez de finesse. « Ce qu'on appelle le silence, à la campagne, s'est fait d'un tas de bruissements. »« Hum, hum !» fit Lionel. « Moi, je ne m'explique pas qu'elle n'ait rien entendu si la vipère s'est hissée jusqu'au cœur parmi les feuilles. Regardez donc, Aubry. La fenêtre du cabinet de toilette est distante de 4 mètres à peine de la fenêtre de la chambre. Ma mère et ma cousine se trouvaient donc tout près de l'endroit où la vipère aurait opéré son ascension. Or, ma mère croit bien se souvenir qu'elle avait laissé la croisée du cabinet de toilette ouverte sur les volets clos, exactement comme la fenêtre de la chambre de ma tante. Vous vous rappelez qu'il faisait très chaud. Eh bien moi, je dis qu'une petite fille de 13 ans a l'oreille fine et que, dans les conditions que je viens d'indiquer, Gilberte, éveillée, énervée, tendue vers tous les bruits qui pouvaient venir de la chambre de la malade, aurait dû distinguer la montée du serpent. Il est évident que la vipère est entrée dans la chambre par le cœur, mais je doute qu'elle soit parvenue à ce cœur par la route de la muraille et le moyen du lierre. Il faudrait donc qu'on l'ait introduite. Je ne sais pas, cela ne serait pas impossible. J'ai lu autrefois une histoire semblable. Mais alors, monsieur le comte, introduite sans bruit ? Oui, Aubry, il faudrait admettre que l'homme, en introduisant la vipère, aurait fait moins de bruit qu'elle n'en eût fait elle-même en montant le long du lierre, et je reconnais que c'est difficile à accepter, surtout si l'on considère l'altitude de ses cœurs. Plutôt, dit Aubry avec un petit rire de suffisance. Ils avaient pris un peu de champ pour examiner cet angle du château où s'était passé un événement qui devenait mystérieux. En façade, sur le parc, leur apparaissait successivement, par les fenêtres ouvertes, la chambre de Madame Laval, puis la salle de billard, puis le salon, puis la salle à manger, puis un fumoir, ces 4 dernières pièces n'ayant pour eux aucun intérêt. Et en perspective, sur la gauche, l'aile de l'ouest leur montrait successivement la fameuse fenêtre de Madame de Laval, la croisée du cabinet de toilette, celle de la chambre de Gilberte Laval et celle d'un vestiaire lavabo qui terminait ce bâtiment latéral vers la grille d'entrée. Mais, dit tout à coup Lionel, qui donc occupait la chambre au-dessus de celle de ma tante, là, au premier étage ? C'était monsieur Guy Laval. Il couchait là depuis son retour à cause de la maladie de madame, car il n'avait pas l'habitude de faire chambre à part. Lionel songea. Il cherchait à évoquer les allures et le caractère de cet oncle qu'il avait peu fréquenté, ce mari d'une femme charmante, presque toujours absent. Cependant, Guy Laval aimait tendrement sa femme. Personne n'en avait jamais douté. Oui, mais c'était une espèce de poète de l'aventure, un rêveur de l'exploration, un distrait, en somme, avec des idées parfois excentriques. Il recherchait les risques, faisait profession de témérité. Cette vipère qu'il se plaisait à irriter... Bref, tant soit peu hurluberlu, Guy Laval. Alors, une imprudence? Avait-il commis une imprudence? Mais laquelle? On ne voyait pas laquelle. Et comment cette imprudence eût-elle abouti à l'introduction de la vipère dans la chambre d'en dessous? Non, cela n'avait pas le sens commun. Pourtant, ce désespoir profond de Guy Laval après la mort de sa femme, excessif, cette sorte de suicide qui consistait à se faire massacrer glorieusement au centre de l'Afrique. « Dis-moi, Aubry, Monsieur Guy Laval. »« Eh bien, Monsieur le Comte ?»« Non, rien. » Lionel avait réfléchi. Se servir d'Aubry contre Jean Mareuil, parfait. Mais contre Guy Laval, ce n'était plus la même chose. Le comte de Praz avait le sentiment aristocratique de la famille. Qui sait ce qu'on aurait trouvé en fouillant dans ce sens? Qui dirait ce qui peut se dissimuler dans les dessous du ménage le mieux réputé? Du reste, s'il arrivait que Jean Mareuil fût mis hors de cause, que lui importait, à lui, Lionel, les circonstances qu'il avait privées de sa tante? Entrons, dit le jeune homme, nous n'avons plus rien à faire par ici. Ils pénétrèrent dans le château. La chambre de Madame Laval était restée dans son état primitif. Ils y accédèrent par une galerie qui contournait la cour d'honneur et sur laquelle donnaient les portes de toutes les pièces du rez-de-chaussée, galerie dessinant donc deux angles droits ou, si l'on préfère, se divisant en trois éléments, un élément central et deux éléments latéraux, l'un à l'est, l'autre à l'ouest. La porte de la chambre de Madame Laval était la dernière au bout de la galerie centrale pour qui marchait vers l'ouest. En entrant par cette porte, dans cette chambre, on avait, à gauche, le mur plein séparant la chambre de la salle de billard. La cheminée occupait le centre de ce mur, flanqué de deux placards. Ces placards étaient sans mystère, comme sans fissure. La cheminée était close, ainsi qu'elle l'avait été pendant toute la nuit tragique, par son tablier de tôle qui s'opposait manifestement à toute irruption comme à toute fuite. À droite, par la fameuse fenêtre de l'ouest, on apercevait l'orangerie. Devant soi, par la fenêtre du sud, celle de la façade, le parc. Le lit de milieu appuyait sa tête à la cloison du cabinet de toilette, lequel faisait partie de l'aile ouest. Lit laqué de blanc. Pas de baldaquin, simplement, contre la cloison, un rideau de fond en soie bleu de ciel tombant d'une barre dorée en filet d'anneau. Non loin de ce lit, côté ouest et faisant pendant à la porte de la galerie, la porte du cabinet de toilette. Lionel examina soigneusement le verrou de la porte de la galerie. On se rappelle que Madame Laval, pour éviter d'avoir à se lever lorsque la femme de chambre frappait à sa porte, avait fait ajuster à ce verrou une tringle qui lui permettait de l'actionner de son lit. La tringle existait encore. Son jeu produisait un claquement sec. Lionel envoya Aubry chercher une burette dans l'auto. Le verrou et la tringle furent consciencieusement tuilés. Le claquement persista. Preuve qu'il s'était produit de tout temps. On ne pouvait pas ne pas l'entendre du cabinet de toilette. Étant donné que Gilberte n'avait rien entendu, il était donc évident que, de toute la nuit, Madame Laval n'avait pas ouvert, du moins par le moyen de la tringle, cette porte qui, fermée le soir, était encore fermée le matin, ainsi que Madame de Praz et sa nièce l'avaient constaté. Le cabinet de toilette étant occupé par Madame de Praz, qui sommeillait comme peut sommeiller une garde-malade, c'est-à-dire superficiellement, et par Gilberte, l'oreille au guet et les yeux grands ouverts, les seules ouvertures qui pussent, le 19 août, livrer passage à un être quelconque dans la chambre de Madame Laval, étaient donc les deux cœurs dévolés. Il n'y avait pas à sortir de là. car si Madame Laval, hors d'état de se lever, eût cependant trouvé la force de le faire, soit pour manœuvrer le verrou sans le secours de la tringle, soit pour ouvrir les volets clos de l'une ou de l'autre fenêtre, Gilberte aurait sans aucun doute surpris ses pas chancelants à travers la mince épaisseur de la porte du cabinet, qui, comme l'autre porte, ne laissait, entre le plancher et le bas du battant, qu'un vide dérisoire par où la vipère n'aurait jamais pu se glisser, ce vide que la veilleuse de Madame Laval transformait, pour les yeux fixes de Gilberte, en une ligne de lumière. L'inspection du cabinet de toilette ne révéla rien de plus. Lionel ne découvrait aucun indice révélateur, ni dans l'ordre matériel, ni dans l'ordre moral. Aubry faisait preuve de peu de zèle et moins encore de discernement. Il n'avait pas confiance et se bornait à dire, en promenant sur les choses des regards sans curiosité, « Il ne faut pas chasser deux lièvres à la fois, monsieur le comte. Voyez-vous, ce n'est pas d'un crime passé et douteux qu'il convienne de nous occuper, c'est d'un cambriolage futur et probable. » Il finit par agacer Lionel, qui, l'ayant remercié de son aide, l'envoya prendre le train à la station pour entrer à Paris. C'est alors que Lionel, poussant plus loin ses investigations et revenant malgré lui à de certains soupçons, monta au premier étage et fit subir un examen méticuleux à la chambre qu'avait choisie Guy Laval pour y habiter pendant la maladie de sa femme. Peine perdue, rien de plus banal, rien de moins suggestif. Se souvenant d'un conte de Conan Doyle, qui déjà tout à l'heure lui était revenu à la mémoire, il redescendit alors dans la chambre de sa feu tante et se mit à contrôler si quelques cordons de sonnette n'auraient pu servir de corde lisse à la vipère. Sortie d'un trou pratiqué près du plafond, elle se serait enroulée autour du cordon pour descendre jusqu'à Madame Laval. Il y avait bien un cordon de sonnette à la tête du lit, c'était le fil souple qui suspendait, à la porte de Madame Laval, une petite poire de contact. Mais ce fil, trop mince, n'eût offert aucune prise à la vipère, et d'ailleurs, ni le mur ni le plafond ne présentaient la moindre brèche. Ils étaient pleins, unis, résistants. Monté sur une échelle, Lionel s'assura scrupuleusement que l'explication du romancier anglais ne pouvait s'appliquer en aucune façon au mystère de Luvercy. Découragé après cela, il s'en fut déjeuner à l'auberge du village en attendant l'arrivée de Madame de Prase, de Gilberte et de Jean Mareuil.